vie des hommes et jusqu'au bout du chemin. Prends ma main. Sur le toit du monde, où brille le soleil, sur la mur de la vie, quand l'amour nous émerveille. C'est juste un sourire, pas besoin de discours, une étincelle dans nos yeux. C'est le pouvoir de l'amour. Life is love, on a besoin d'amour. Life is love, et dans nos yeux, jusqu'au bout de la vie des hommes, et jusqu'au bout du chemin. Prends ma main. Allumez la flamme, oubliez tous les pleurs. Et si le temps passe, même s'il parfois nous effleure, dansons tous ensemble jusqu'au petit jour. Tu ne peux pas l'éviter. C'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour. De la vie des hommes et jusqu'au bout du chemin. Life is love. Prends ma main. Prends ma main. Life is love. Prends ma main. Jusqu'au bout. De la vie des hommes et jusqu'au bout du chemin. Mais de quoi t'as peur? Peur? Moi? Peur de quoi? De ces deux zigotos? Oh, ça va, je t'ai vu trembler comme une feuille quand Adam et Ève sont arrivés. T'as entendu au moins? Adam et Ève avaient un message pour nous aider à trouver la clé de la vie. L'amour. Je me demande bien où ça nous mène. Flip? Et si on reprenait le livre? Oh non, pas le livre, il fait beau. Si on allait plutôt au square? Ah! Au secours! Cachons-nous sous le lit, viens Flip! Dis, Flip, tu disais quoi à propos du temps? Tu devrais présenter la météo, toi, parce que le square sous l'orage, c'est pas vraiment le pied. À propos des pieds, Denis, je sais pas à qui ils sont ceux-là, mais ils sentent bien le fromage, hein. Je suis Cain, fils aîné d'Adam et Ève, et frère d'Abel. C'est bien ce que je disais, ça sent le fromage. Ah non, c'est pas vrai, c'est lui, là, regarde dans le livre. Cain, il a supprimé son frère Abel. C'est vrai, la jalousie m'a rendu fou. Abel a fait une offrande à Dieu, Dieu l'a acceptée, et puis Dieu a refusé la mienne. J'ai commis l'irréparable. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais il est fou, ce mec, il est fou! Ferme le livre, qu'il disparaisse! Non, attends. Vous avez demandé pardon? J'ai traîné ce fardeau toute ma vie. J'aurais moi aussi voulu mourir, mais Dieu a préféré que je vive longtemps. Sans doute pour que je souffre toujours du mal que j'ai fait. Vous regrettez ce que vous avez fait? Je le regrette, oui, terriblement. Mais je sais surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière pour changer son destin. Et que quand le mal est fait, il est trop tard. Je vous crois, Cain. Vous avez l'air sincère. Non, n'écoute pas! Alerte rouge! Tous aux abris dans le coffre à jouets! Non, Flip, écoute comme il regrette.